la mer. Les deux finis mettent leur beauté pour lui à travail. Leurs ont les peines dans ce poste. Les bébés un peu dans le bicyclette. Pour que Jimmy rentre bien sous famille que soit ce matin. Un matin comme à l'île, ce gâteau râle sous la mer. Les bébés finis mettent leur beauté pour lui à travail. Ce beau destin de sous les pieds. Sous la tête et dans ce sabot. Souvent des fois se laisse déchirer. Enlève ma cadam. La vie, elle n'a pas ça. Souvent des fois elle est compliquée. Mais d'elle c'est mes soucis là-dedans. La vie, elle n'a pas ça. Tout le monde dit à vous. Pour avancer dans la vie. Ma douche mouillé dans ce défaut. Michel Ali compte en piccolo. Parce que pour lui meilleur solution. Sous la case n'a peine à manger. Les glames sur femme avec couleur. Les baronnes gauche de vous aller y aller sous maman. Et sous maman paraît à côté. Depuis longtemps le finalé. On se vélo à les pédaler. Le fait la montant. Il fait dans sa rousse. Pour un blizzard n'achète manger. C'est pas bon pour payer en retard. Les gars m'a traité avec sous maman. La vie. La dans la vie, elle la vira ça. Tout le monde dit à vous, moi aussi dans la vie. Caresse le sur la tête, la fée chante te dans sous la vie et demi sourire. Parce qu'il avait lié un test, les bisins m'en zolent. Pour affronter l'humanité, les bisins croient dans l'île. Parce qu'il avait un mari test, quand t'es fait une abaisse, me pardonne-toi. Aborde tes parents dans la terre, et que c'est n'y a qu'il fait une super pour toi. À toi, la vie, elle la vira de ça. Souvent des fois, les compliqués. Mais Nancy, mes outils là-dedans.